Je veux tes cheveux sous la neige, quelque part au ciel de Norvège. Et puis te prendre par la main sous un soleil d'été romain. Je veux des rendez-vous bizarres dans un avion, dans un couloir. Avec des frissons de rencontre, une heure de plaisir à nos montres. Je veux que tes yeux brûlent encore au premier feu d'avant l'aurore. Et puis déposer sur tes lèvres le baiser d'un jour qui se lève. De sang et de lumière. Je veux briller dans ton miroir, deviner ton corps dans le noir. Et puis me noyer dans tes yeux d'océan triste, d'océan bleu. Je veux qu'on explose en douceur, que tu m'envoies, que tu en meurs. Et délirer des mots d'amour au dernier feu d'un soleil lourd. Je veux aller plus loin encore, derrière l'amour, derrière la mort. Ne plus atteindre aucun rivage et me confondre à ton image. Je veux délirer mes amours jusqu'à l'aurore d'un nouveau jour. Et puis m'endormir avec elle à la clarté d'un nouveau ciel. Je veux te faire de